ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous informe qu'il n'y a pas une année qui se passe sans qu'elle soit pire que l'année qui l'a précédée. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ويقول عليه الصلاة والسلام اتقوا النساء فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء، فإذا أكثر أهلها النساء. Le prophète عليه الصلاة والسلام a montré que il a vu النار et qu'il a vu أكثر أهل النار et la majorité des gens qui étaient finnar, qui étaient an-nisa, qui étaient an-nisa. Wa yaqulu alayhi salatu wa salam, inna min ashrati as-sa'ah an yurfa'a al-'ilm, ay min ashrati as-sa'ah, parmi les signes de la fin des temps, an yurfa'a al-'ilm, c'est-à-dire que la science diminue. Wa yathbutu al-jahl, et l'ignorance augmente. وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ, c'est-à-dire que في أمة محمد عليه الصلاة والسلام يُشْرَبُ الْخَمْرُ. نعم. وَيَظْهَرُ الزِّنَا, وَيَظْهَرُ الزِّنَا, et que la fornication devient apparente. والحديث متفق عليه. وموضوعنا هو حول الحجاب, موضوعنا في هذه الليلة حول الحجاب. فإن من أكثر وسائل انتشار الفحش والزنا والرذيلة في أوسط هذه الأمة لهو بسبب التبرج والسفور, وأكبر سبب قبل ذلك الاختلاط, أكبر سبب قبل ذلك الاختلاط. فلذلك ونحن نعيش هذه الأشرات, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une époque où on voit ces signes de la fin des temps de nos propres yeux. On voit ces signes de la fin des temps de nos propres yeux. C'est pour ça qu'il est important de savoir et de connaître l'importance du hijab. نعم. فإن الحجاب أنزله الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام وفرضه على المؤمنات. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكنا أمهاتي يوطونني على خدمته فخدمته 10 سنين وتوفي وأنا 20، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب. أي أنس رضي الله عنه a travaillé le prophète عليه الصلاة والسلام, a travaillé pour le prophète عليه الصلاة والسلام 10 ans, de 10 ans à 20 ans. Et il nous montre que كذلك, c'est la personne qui a le plus de science sur le hijab. قال فكان أول ما نزل لما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها. Donc la première fois où Ayatul Hijab est descendue, c'est lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام s'est marié avec زينب بنت جحش رضي الله عنها. قال أصبح بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من الطعام. نعم. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام a fait la walima. أي فدعا القوم فأصابوا من الطعام. ثم خرجوا وبقي رهط عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطال المكث. Donc après avoir terminé de manger, la majorité sont partis et certains sont restés. قال فقام فخرج وخرجت لكي يخرجوا. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام s'est levé et est sorti. Et Anas كذلك رضي الله عنه est sorti pour entraîner ceux qui sont restés à sortir. قال فمشى فمشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت حتى دخل على زينب. أي نعم. Le prophète est parti et revenu et ils étaient toujours assis. قال فإذا هم جلوس فرجع ورجعت حتى بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا. أي أبقى تسلا ils sont sortis. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه السفر وأنزل الحجاب. Donc après tout cela, le prophète عليه الصلاة والسلام a empêché Anas de rentrer avec lui و نزلت آية الحجاب. والحديث متفق عليه. الحديث متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى إلى المناصع وهو صعيد أفيح. Donc les épouses du prophète عليه الصلاة والسلام pour قضاء الحاجة, donc lorsqu'elles avaient des besoins, sortaient la nuit. Elles sortaient la nuit dans des endroits spécifiques à cela. قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. Donc عمر رضي الله عنه disait au prophète عليه الصلاة والسلام qu'il devait couvrir ses femmes, qu'il devait couvrir ses femmes, et le prophète عليه الصلاة والسلام لم يفعل. قال فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة. Tout cela jusqu'à lorsque un jour Sauda radiallahu anha est sortie la nuit ba'd al-isha ou isha'an, yani c'est-à-dire fi al-layl. Wa kanat imra'atun tawila, et c'était une femme grande. Fanadaha Umar ala qad 'arafnaki ya Sauda hirsan ala an yanzil al-hijab. Donc Umar radiallahu anhu a dit à Sauda, on t'a reconnu pour que le prophète alayhi salatu wasalam, et pour que une ayah qui ordonne de couvrir les femmes descende. قالت عائشة فأنزل الله عز وجل الحجاب. Donc après tout cela, Allah عز وجل نزل وأنزل آية الحجاب. وعنها رضي الله عنها هذا. نعم. والحديث c'est un hadith qui est que j'allais citer, c'est un hadith qui est dans le même sens que le hadith الثاني عن عائشة رضي الله عنها. الله عز وجل يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن, أي qu'elles se couvrent بخمورهن, أي بالخمار. Le khimar, c'est lorsque le tissu, lorsque l'on pose le tissu sur la tête et qu'il descend. Ala juyubihin. Ala juyubihin, ay sur leur poitrine. وقوله جل ثناؤه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. دونك الله عز وجل a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam de dire à ses épouses et à ses filles et à Nisa el Mu'minin et aux femmes des croyantes de se couvrir bijalabibihin. Qala dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Et de manière à ce que personne ne les reconnaisse fala yu'dhain. Et que cela permette que personne ne leur fasse du mal. قال وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما وعن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. نعم. Ici عائشة رضي الله عنها fait l'éloge des muhajirat lorsque Allah Azza wa Jal a révélé au prophète alayhi salatu wassalam ayatul hijab, elles se sont empressées de se couvrir radiyallahu anhum. قال الله تعالى طيب ثم بعد ذلك يجب على المرأة أن تحتجب من الطفل والخنثاء الذين يميزون ويصفون النساء. نعم. La femme, il est obligatoire de se couvrir des enfants qui sont capables, c'est-à-dire des garçons, des petits garçons qui sont capables de décrire la beauté de la femme. À partir du moment où un garçon est capable de décrire la beauté d'une femme, il lui interdit, ou on l'interdit de regarder les femmes. On l'interdit de rentrer chez les femmes. Et les femmes cavaliques qui connaissent des garçons qui sont capables de décrire la beauté d'une femme, il leur est interdit de se découvrir et d'enlever leur hijab devant ce type d'enfant. وَكَذَلِكَ الْخَنْثَى الْخَنْثَى نَعَمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ. هذه الآية نص في ذلك ويجب كذلك على المرأة أن تغطي وجهها كاملا أي تغطية الوجه وكذلك اليدين. ومعلوم لدى الجميع أي les connus par nous tous la divergence qu'il y a entre certains savants sur est-ce que le fait de couvrir le visage pour la femme est obligatoire ou c'est une chose qui est recommandée. أولا ينبغي أن يعرف أن même dans les sujets où les savants ont divergé, il est important كذلك de ne pas suivre sahawa. Il est important كذلك de ne pas suivre sahawa. Et que le haq est wahid, la vérité est seule, et que la vérité n'est pas deux. C'est-à-dire que à partir du moment où on est convaincu que le visage doit être couvert par la femme, cela ne veut pas dire qu'il nous est permis de faire cela et cela. Car certains ont tendance à croire que à partir du moment où des savants divergent, il nous est permis de faire cela et cela. Là, ce n'est pas dans toutes les masaïl où les savants divergent qu'il nous est permis de faire cela et cela. Car la vérité est seule. Voilà que la personne regarde avec ikhlas et sans hawa la mas'ala. Et sans hawa la mas'ala. Et lorsqu'il penche sur un des deux avis, il s'accroche à cet avis. Wa at-tawfiq biyadillah. طيب قالت عائشة رضي الله عنها كان الركبان أو كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات. Donc عائشة رضي الله عنها montre que ses épouses et عائشة dont عائشة étaient avec le prophète عليه الصلاة والسلام محرمات en état d'ihram أي في الحج. Et que الركبان يمرون بهم. الركبان يمرون بهم. C'est-à-dire, les gens qui passent, نعم, passaient devant eux, parmi eux les hommes. فماذا فعلت عائشة? Pourquoi elle cite cette situation? Car il est connu que il est interdit à la femme في الحج de couvrir son visage. Il est interdit à la femme de في الحج de couvrir son visage. نعم. قال فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها. À partir du moment où ces hommes approchaient, qu'est-ce que faisait Ummahatul Mu'minin? Elle se recouvrait le visage. Elle se recouvrait le visage. Et sedlen, sedlen, c'est-à-dire sans serrer le khimar, sans serrer le khimar, mais en le laissant tomber sur le visage, en le laissant tomber sur le visage. قال من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه. أي s'ils se sont écartés, كشفناه, كشفناه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال. كنا نغطي وجوهنا من الرجال. أخرجه الحاكم في مستدركه. أي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها montre que elle se couvrait le visage des hommes. Elle couvrait leur visage des hommes. طيب. وكذلك يقول الإمام المفسر الشنقيطي رحمه الله وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام. Donc la aya dont parle l'imam al-Shanqiti c'est وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنْ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فَاسْأَلُوهُنْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Et à partir du moment où l'un d'entre vous doit leur demander quelque chose, qu'il leur demande مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, qu'il leur demande مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Donc il montre que le hukm et le jugement de cette ayah est global pour toutes les femmes. Est global pour toutes les femmes, même si le contexte de la ayah parle des épouses du prophète alayhi salat wa salam. Naam. Car min bab awla, si il est obligatoire à l'homme qui va demander aux épouses du prophète alayhi salatu wasalam de leur demander min wara'i hijab, cela montre que min babi awla, c'est d'une manière plus évidente que les femmes autres que les femmes du prophète alayhi salatu wasalam doivent se couvrir le hijab, doivent se couvrir le visage, et que l'homme doit demander min wara'i hijab. قال وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب. علمت أن القرآن دل على الحجاب. قال ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم. Donc ici il nous montre que même si on pourrait penser que cela est propre aux épouses du prophète alayhi salatu wassalam. قال فلا شك انهن خير اسوه لنساء المسلمين. نعم. Et le meilleur exemple pour les musulmanes, pour les muslimates, ce sont les femmes du prophète alayhi salat wa salam. قال في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم تدنيس بأنجاس الريبة فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاء نعم كالدعاء للسفور والتبرج والاختلاط اليوم. Donc ensuite il parle et réfute aux personnes qui appellent à sufour ou à tabarruj, et qui appellent à ce qu'ils disent et ce qu'ils prétendent, dhulman wa udwanan, la liberté de la femme, et que la femme est égale à l'homme, et que la femme doit être libre, et que fil haqiqa, la femme libre, c'est celle qui tahtajib. La femme libre, c'est celle qui tahtajib. Amma, les femmes qui sont qalil al-haya, qui ont peu de pudeur et qui s'habillent comme on le voit aujourd'hui, ce sont des femmes qui sont plutôt utilisées comme des objets. Ce sont plutôt des femmes qui sont utilisées comme des objets. Naam, لأن le prophète alayhi salat wa salam قال وجعل الدلة والصغار على من خالف أمري. الدلة والصغار على من خالف أمري. Et que min al-ajib, et parmi ces choses-là qui sont étonnantes, c'est que on trouve des personnes qui se disent musulmanes et qui appellent à ces choses-là, sous le nom bism, la liberté. وما علم بهذا القول أنه طعن في رب العالمين الذي يقول هذا القول كأنه نعم كأنه يقول أن الله عز وجل ظلم المرأة. Car celui qui appelle à ce genre de choses, c'est comme s'il disait que Allah Azza wa Jalla a fait une injustice à la femme en lui ordonnant de se couvrir. وحاشا وحاشا سبحانه وتعالى. قال من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة. نعم سلامة العرض والطهارة. سلامة العرض والطهارة. نعم سعرد غست مكرم ومعزز. Son honneur est préservé. La femme المتحجبة, son honneur reste préservé. Et ceci est apparent dans les mujtama'at qui sont muslimas. Dans le mujtama' muslim, la femme al-mutahajjiba haqqan, lorsque l'on dit mutahajjiba, c'est celle qui se couvre avec le vrai hijab. C'est-à-dire le vrai hijab, comme on va voir la description du vrai hijab. Naam, son ird est préservé, son ird est préservé. Et personne ne peut, ou n'ose, l'approcher en mal. Et personne n'ose l'approcher en mal. Amma, les autres femmes, naam, elles sont utilisées comme des objets. Il suffit qu'elles passent dans une rue, celui-là la siffle, l'autre essaye de lui parler, l'autre kada, ou l'autre kada, ka'annaha un objet. Et après, qu'est-ce que l'on voit? Des femmes qui ont une quarantaine d'années et qui sont délaissées comme un objet qui n'est plus à la mode. Comme un objet qui n'est plus à la mode. Wal'iyadu billah. Qala min danas al-riba ghashun li ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam maridul qalb kama tara. Naam, celui qui appelle à ce genre de choses a un cœur malade et il est ghash li ummati Muhammad alayhi salatu wa salam. Wa min sifat al-hijab annahu yakun ghalidan fatfadan. Naam, le hijab doit être large et épais. La raqiqan shaffafan wassafan li mahasin al-mar'a. Il ne doit pas être une chose qui fait apparaître les parties des femmes. Ici, on voit l'erreur de beaucoup de muslimates, l'il-asaf et shadid, qui essaye de mettre le hijab, ولكن qui met le hijab, comment dire, le hijab al-asri, نعم, de manière غير صحيحة وغير شرعية. Car comment peut-on appeler ça un hijab alors qu'elle met un pantalon moulant, أعزكم الله. Comment on peut l'appeler ça un hijab alors qu'elle cherche à s'embellir et à montrer ses parties avec ce qu'elle appelle un hijab. قال وعن أم علقمة رضي الله عنها قالت دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة أم المؤمنين وعلى حفصة خمار رقيق donc elle avait un خمار qui n'était pas épais. حفصة بنت عبد الرحمن أي la nièce de عائشة رضي الله عنها la fille de عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه فشقته عائشة عليها donc عائشة a déchiré son hijab وكستها خمارا كثيفا il lui a changé son خمار qui n'était pas épais avec un خمار qui est épais وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كسى الناس القباطي ثم قال لا تدرعها نساؤكم أو نساءكم donc le qabbati un habit نعم ou un tissu plutôt ensuite il leur a interdit de le donner à leurs femmes فقال رجل يا أمير المؤمنين قال قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت donc il a un homme parmi نعم un homme informa Omar رضي الله عنه qu'il l'a donné à sa femme. Et lorsque il est rentré fil bait, qala fa aqbaltu fil bait wa adbartu fa lam arahu yashif. Il ne faisait pas et il n'était pas transparent. Il n'était pas transparent. Lorsque il l'a donné à sa femme, il n'était pas transparent. Fa qala Omar, il lam yakun yashif fa innahu yasif. Même s'il n'est pas transparent, il fait apparaître les formes. Même s'il n'est pas transparent, il fait apparaître les formes. Car lorsque une chose ou un habit n'est pas épais et qu'il est rapide, il fait apparaître les formes. Il fait apparaître les formes. نعم. وينبغي للجلباب كذلك أن يكون طويلا. أن يكون طويلا. C'est-à-dire qu'il soit grand de manière à couvrir la femme. De manière à couvrir la femme. والمرأة كذلك يجب عليها أن تستر جميع بدنها لأنها عورة لأنها عورة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود فيما رواه الترمذي أنه قال المرأة عورة donc le prophète عليه الصلاة والسلام informe que la femme est une aura. فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشَرَفَهَا الشَّيْطَانِ Et lorsqu'elle sort, الشَّيْطَانِ يَسْتَشْرِفُهَا Ceci nous montre, كذلك, l'importance à ce que la femme évite de sortir. نعم. وَالْمَرْأَةِ لا تخلع ثيابها في غير بيتها لا تخلع ثيابها في غير بيتها عن عائشة رضي الله عنها قالت أو أنها أتتها نساء من أهل الشام فقالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات قلنا نعم قالت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل أو ستر ما بينها وبين الله عز وجل نعم وكما قلنا كذلك أن المرأة تحاول أن لا تخرج إلا لحاجة La femme évite de sortir إلا لحاجة إلا les haja. Ça ne veut pas dire que elle met le jilbab qui lui a permis de sortir comme elle veut. Ça ne veut pas dire que à partir du moment où elle met le jilbab, il lui a permis, et ce que je veux par le jilbab, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui el khimar, c'est-à-dire couvrir le visage, qui lui a permis de sortir comme elle veut, qui lui a permis de sortir comme elle veut. Allah Azza wa Jalla yaqul wa qarna fi buyutikun wa la tabarruj na'am wa la tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah al-ula. Et Allah Azza wa Jalla a ordonné de rester fi al-buyut lin-nisa. A ordonné de rester fi al-buyut lin-nisa. Et le asl, c'est que la femme reste fi baytiha. Na'am. Et il est important qu'Adalik de mettre en garde contre toute forme de tabarruj. Il est important de mettre en garde contre toute forme de tabarruj qui a vraiment augmenté ces dernières années dans les pays musulmans, qui a vraiment augmenté dans ces dernières années dans les pays musulmans. Wallahu al-musta'an. An Abi Hurayra radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أراهما. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام montre que il y a deux صنف parmi les gens de l'enfer qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas vu à son époque. Cela nous montre que le tabarruj qu'il y a aujourd'hui est pire que ce que pouvait mettre les femmes fil jahiliya, même si elles n'étaient pas couvertes, ou qu'elles ne mettaient pas le hijab, aujourd'hui elles s'habillent de manière, ou à leur époque c'était moins pire qu'aujourd'hui. À leur époque c'était moins pire qu'aujourd'hui, car le prophète alayhi salatu wasalam قال لم أراهما لم أراهما قال قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس. Ensuite الشاهد ونساء كاسيات عاريات. Donc des femmes qui sont كاسيات, c'est-à-dire qu'elles sont habillées, mais في الحقيقة elles sont عاريات, comme si elles étaient nues. مميلات مائلات. مميلات مائلات. نعم. Ceci est معروف dans la démarche de la femme. Dans la démarche de la femme. قال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام nous informe de cela pour nous mettre en garde contre ce genre de choses et pour mettre en garde les femmes qui s'habillent de telle manière. كيف يعقل امرأة مسلمة تلبس هذا اللباس. سبحان الله. Comment une femme qui se dit musulmane peut en arriver à ce point-là, peut en arriver à mettre des habits ou une jupe qui va au-dessus des genoux. Comment? هذا شيء عجيب. شيء عجيب سبحان الله. Comment une femme qui se dit musulmane peut en arriver à ce point-là? نسأل الله السلامة والعافية. Cela prouve et cela nous montre que beaucoup des gens aujourd'hui se sont éloignés du Coran et de la lecture du Coran. Cela nous montre qu'aujourd'hui, beaucoup des gens se sont éloignés du Coran et de la lecture du Coran. Na'am. Car les ayats sur le hijab sont des ayats qui sont wadihat. Ce sont des ayats qui sont wadihat. Allah Azza wa Jalla dit, « Ya ayyuhan nabi, qul li nisa'ika wa banatika wa nisa'il mu'minin. » Il n'y a pas besoin d'un grand tafsir pour comprendre ce que Allah Azza wa Jalla voulait dire au prophète alayhi salatu wa salam. والتبرج كسك معنى التبرج هو التكشف والظهور للعيون. نعم. C'est apparaître d'une manière, comme on peut dire, apparente. نعم. طيب. ومنه بروج. Ensuite, كذلك, الإمام القرطبي a montré de manière linguistique qu'est-ce que التبرج. Et il a cité le hadith que l'on vient de lire. Il a cité le hadith que l'on vient de lire. قال ابن العربي, et non pas ابن عربي. ابن العربي, المالكي رحمه الله. Donc, dans le sharh du hadith que l'on vient de lire. وإنما جعلنا كاسيات لأن الثياب عليهن كاسيات كالسون أبيه كالسون أبيه وإنما وصفهن بأنهن عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهن أي بوكوا إلا دي كالسون عاريات أي كالسون أبيه ما كم سي elles étaient nues كم سي elles étaient nues car plus l'habit n'est pas épais plus il fait apparaître les parties. Plus l'habit n'est pas épais, plus il fait apparaître les parties. Comment, Iden, à notre époque, lorsque l'habit est en même temps pas épais et deuxièmement est serré. Et deuxièmement est serré. Hada ajib, hada ajib, fi hada zaman. Hasbunallah wa ni'mal wakil. قال ويبدي محاسنهن وذلك حرام ويبدي محاسنهن وذلك حرام أي لا تقضي على فم de faire apparaître son corps أو les parties de son corps. نعم نسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال وكذلك من الحجاب أن تمشي المرأة مشيا خفيا. Donc la femme ne marche pas d'une manière à ce que on la remarque et de manière à ce que les gens se retournent vers elle. Na'am. Wa la talbasu an-na'la alladhi yusdiru sawtan. Elle ne met pas ce qu'on appelle aujourd'hui les talons. Ce que l'on appelle aujourd'hui les talons, car le talon fait du bruit de manière à ce que on regarde la personne qui arrive. Et ceci est interdit pour la femme. Et c'est interdit pour la femme. Donc comment pour une femme qui n'est pas habillée? Comment pour une femme qui n'est pas habillée? Si cela est interdit pour une femme qui a le hijab al-shar'i, comment pour une femme qui n'est pas habillée? « Qala wa bidouni tamakhtur wa tamayul » Na'am. « Bidouni tamakhtur wa tamayul » Et tamayul, comme on le voit beaucoup aujourd'hui, lorsque la femme marche de manière où elle se penche beaucoup et elle fait apparaître mahasinaha. قال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم. Car lorsque on entend un bruit, de manière directement on a amené à tourner la tête. Directement, on a amené à tourner la tête. قَالَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. La femme, lorsqu'elle sort, elle fait tout pour éviter de se faire remarquer. Elle fait tout pour éviter de se faire remarquer. وكذلك, نعم. المرأة تلزمو بيتها. تلزمو بيتها ولا تخرجو إلا لحاجتها. كما جاء في الآية. وكما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرتي يتعشى وإن في يده لعرقا فأنزل الله عليه فرفع عنه وهو يقول قد أذن الله لكن أن تخرجنا أو أن تخرجنا لحواجكن. Donc, après que la ayah sur le hijab a été révélée au prophète عليه الصلاة والسلام, le prophète عليه الصلاة والسلام a montré que Allah عز وجل leur a permis de sortir pour une haja, leur a permis de sortir pour une haja. نعم. وليس من الحاجة التجول في الأسواق ليس من الحاجة التجول في الأسواق أو الخروج في الليل أو الخروج في الليل. نعم. أو كذلك ليس من الحاجة كذلك de prendre le bus et de traverser toute une ville pour aller dans un marché أو autre chose. هذا ليس من الحاجة ليس من الحاجة هذا هو عين الفتنة وعرضة للفتنة. Comme on le voit beaucoup aujourd'hui, للأسف الشديد, on voit des femmes متحجبات بالحجاب الشرعي qui montent le bus et qui traversent toute une ville pour aller de l'autre bout de la ville toute seule, toute seule. في زمن الفتن في زمن الفتن وهذا والله لا يصلح لا يصلح وعلى هذا فتوى نعم لشيخنا يحيى حفظه الله نعم طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته